Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Festina. Quand le tour est entré dans l'ère des héros déchus. Pendant une semaine, la compétition ne va pas se dérouler sur le bitume, mais dans les coulisses de la caravane, au bord des camions des équipes, en bas des hôtels, dans les bureaux des inspecteurs. Nous sommes en 1998. Un nouveau venu, inconnu des passionnés de cyclisme, va entrer en scène, le PO. À partir de cette date et de ces révélations, rien ne sera plus comme avant sur le tour. Quelque chose s'est brisé entre le peloton, les journalistes et les supporters. L'histoire du scandale de Festina, c'est plus qu'une simple affaire de tricheurs, un bal des menteurs. C'est une sale histoire, diffusée dans le monde entier par satellite, parce qu'elle est amarrée à un événement où des millions de francs et de dollars sont remis chaque année en jeu par les sponsors, les chaînes de télé et les villes qui ont la chance d'accueillir une étape de la grande boucle. Après ce tour 1998, ce n'est pas seulement le monde du vélo qui est touché, mais l'ensemble du sport qui va devoir, dans les prochains mois, rendre des comptes sur les pratiques de nos coureurs. Quand rime vélo et labo? Pour en parler, nous recevrons Fabrice Lhomme, journaliste au Monde, ancien rédacteur en chef adjoint de l'équipe magazine. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Le procès du tour, l'affaire Festina ». Nous écouterons également le reportage de Gellor Van Diemersch, qui est allé à la rencontre d'un médecin du sport, spécialiste de la lutte contre le dopage. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, Adrien Cara et Marie-Louise Beau, avec l'appui de Léa Dupouille et des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, voix Philippe Pierrard et Lucas Di Girolamo, réalisation Coy Nguyen, Jérôme Chélius et Pierre Jabot. À la technique aujourd'hui, Gaël Braouzek, Jean-Noël Végan. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En sport, il y a souvent le revers de la médaille et l'actualité du jour nous livre deux exemples frappants. Ce matin, à Roscoff, sur la ligne de départ, tous les regards sont tournés vers les Festina. L'équipe Festina est exclue du Tour de France, et notamment Richard Virenque, Alex Zouleu et le champion du monde, Laurent Brochard. Finalement, les Festina ne sont pas partis. La décision de les exclure a été prise par la société du Tour de France. Très déçu, Richard Virenque craque. Richard, si on veut un taquet dans la gueule. Que savez-vous? Que s'est-il passé exactement? Il est question d'armoire à pharmacie, de tiroir caisse, au centre de deux affaires bien embarrassantes. 1998, un été où la France est sous les projecteurs de la gloire et du scandale. Au début du mois de juillet de cette année-là, pendant que l'équipe de France d'Aimé Jacquet attend sa finale contre le Brésil, finale de la Coupe du Monde de football, un autre spectacle sportif se prépare. C'est le Tour de France, la reine des compétitions cyclistes, la plus prestigieuse au monde. C'est aussi une grande fête populaire. Pas un camping, pas un café n'oublie d'allumer sa télé pour voir les exploits des coureurs, ces forçats de la route qui avalent pendant trois semaines plus de 3500 kilomètres. En cette année 1998, l'une des attractions de l'épreuve s'appelle Richard Virenque. Le coureur français est le chouchou du public. Quintuple meilleur grimpeur du Tour, il a fini à deux reprises sur le podium. En 1997, il talonne l'Allemand Jan Ullrich et finit deuxième du Tour. Et si l'année 1998 était la bonne pour lui? En France, tout le monde y croit. Bruno Roussel, le directeur sportif de l'équipe de Richard Virenque, l'équipe Festina, a mis tous les moyens pour soutenir son leader. Il a recruté les meilleurs pour l'accompagner dans les cols et sur les plaines de France. Il n'attend plus qu'une chose, le départ du Tour. C'est à Dublin, le 11 juillet, la veille de la finale de la Coupe du Monde, que la 85e édition du Tour de France démarre. La veille, Jean-Marie Leblanc, le directeur de la course, accueille les officiels, dont Marie-Georges Buffet, ministre des Sports du gouvernement Jospin. Jean-Marie Leblanc ne le sait pas encore, mais la ministre a appris une nouvelle qui pourrait bientôt faire dérailler l'ensemble de la course. Oui, une rumeur enfle dans les rangs des journalistes. Un soigneur de l'équipe Festina aurait été arrêté avec des produits dopants. L'un des tabous les plus importants du sport moderne va bientôt exploser devant les caméras du monde entier. Pendant trois semaines, la plus belle course du monde va se disputer sur deux circuits, deux trajets distincts. Celui de la célébration et des applaudissements, autrement dit du sport, puis celui de la honte, des interpellations, des aveux et des mensonges. « C'est à la frontière franco-belge que notre histoire débute. Vers 6h du matin, au lieu-dit de Dronkaert, une Fiat aux couleurs de Festina est arrêtée par un agent de la douane. Au volant, Will Voot, un soigneur de l'équipe Festina. C'est un contrôle de routine, comme il s'en déroule des centaines par jour. Les douaniers l'arrêtent et lui posent des questions traditionnelles. « Transportez-vous des marchandises, titre ou valeur à déclarer à la douane ?»« Non, » répond-il. Pourtant, quelque chose cloche. Willy Voot est crispé, il s'agit de transpire. Pas net tout ça. Les douaniers l'interrogent. Mais que fait ce membre de l'équipe Festina aussi loin de la ligne de départ du tour ? Alors il décide de fouiller la voiture. Banco, à l'arrière, ils mettent la main sur des sacs isothermiques. À l'intérieur, ils trouvent plus de 400 doses de produits dopants et stupéfiants, dont 235 ampoules d'érythropoïétine. Traduisez EPO, puis 120 capsules d'amphétamine, 82 solutions d'hormones de croissance, 60 flacons de testostérone. Pour les douaniers, c'est le coup de l'année, voire de la décennie. Willy Voot est arrêté. Le substitut du procureur autorise l'ouverture d'une procédure. Une nouvelle équipe prendra le départ à Dublin samedi, celle des enquêteurs et de la justice française. Le 11 juillet, le jour du départ, tout le monde parle de l'arrestation de Willy Voot. Sur le plateau de l'émission En route pour le Tour, le directeur sportif de Festina, Bruno Roussel, répond à la rumeur. Ce que je sais en fait aujourd'hui, c'est pas grand-chose, puisque j'ai appris par la presse hier l'information concernant un soigneur. Et vous ne saviez pas qu'il avait été intercepté par les douanes ? Je ne savais pas qu'il avait été intercepté par les douanes en possession je dirais, a priori de produits interdits, puisque je précise ici que nous n'avons pas d'informations officielles et que je crois que l'enquête doit continuer et mener son cours et laisser la justice faire son travail. Enfin, on ne trouve pas, par hasard, 100 grammes de produits d'anabolisants dans la voiture d'un soigneur. En plus, c'était une voiture de votre équipe, hein, marquée Festina. Par hasard, il s'est passé quelque chose. Est-ce que ça s'est passé en dehors de vous ? Est-ce que c'était un trafic qui existait en dehors de votre connaissance ? Est-ce que vous imaginez toutes ces hypothèses ? Pour répondre à votre question, je n'ai pas d'éléments. Vous me dites qu'il s'agit d'anabolisants. Il faut comprendre que j'apprends ça par la presse. Mmh. Aujourd'hui, aucune personne officielle de police est venu nous faire une information et l'avocat de l'équipe n'a pas d'éléments pour me confirmer ce qui est écrit dans la presse française ce matin. J'ai lu effectivement les produits que vous annoncez, mais dans une autre presse, on lit tout autre chose. Donc aujourd'hui, moi je me tiens à ce qui est la réalité, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'informations officielles, mis à part effectivement la perquisition de Lyon, où je le répète, a priori, il n'y a pas de choses importantes qui ont été trouvées. Mais aucune personne habilitée officielle nous a dit aujourd'hui, voilà, monsieur un tel avec tel produit, donc je dois rester très prudent par rapport à l'image de notre sponsor, à nos coureurs, et je sais que l'équipe n'a rien à se reprocher, donc aujourd'hui, moi je souhaite que la justice puisse avancer sereinement et que les gens fassent leur travail. Oui, laissons la justice faire son travail, attendons la suite de l'enquête, je me tiens à la disposition de la justice, on connaît cette musique. Roussel ment devant les caméras avec un bel aplomb, les yeux dans les yeux, il nie l'évidence. Le contre-la-montre entre lui et les enquêteurs français est lancé. Du côté des organisateurs du tour, c'est même pas mal. Jean-Claude Killy, vous êtes président de la Société du Tour de France et président du Tour de France, qui est dans le monde du sport une des plus belles choses qui puissent exister, l'une des plus crédibles, l'une des plus respectées. Est-ce que dans un moment tel que celui-là, où les turbulences sont quand même assez violentes, est-ce que le Tour de France est plus fort que tout ? Écoutez, vous nous voyez vraiment serein, parce que le Tour de France est une telle institution aujourd'hui que j'ai envie de décrire cette affaire comme quasiment une péripétie. Le Tour de France a connu depuis 1903, vous le savez, des problèmes, des accidents, des histoires. Je crois que c'en est une de plus. Ça, c'est la réponse du patron de la Société du Tour de France. En France, Willy Voot est mis en examen et écroué par le juge Patrick Cahill pour importation en contrebande de marchandises prohibées et circulation irrégulière de marchandises prohibées. C'est de la maison d'arrêt de Losles-l'Île qu'il voit le départ du Tour. Christophe Moreau, le Français des Festina, arrive cinquième de l'étape à 5 secondes du vainqueur. Joli départ. Le 14 juillet, jour de la fête nationale, le Tour de France est de retour sur ses terres. L'étape, la troisième, relie Roscoff à Lorient sur 169 km. Une échappée se forme et le Français Xavier Yann tente sa chance en vain. Il finira second derrière l'Allemand Jens Hepper. Mais dans l'autre course, celle de la justice, Willy Voigt avoue tout et rejette la responsabilité sur son directeur sportif, Bruno Roussel, qui apprend la nouvelle le matin même à son hôtel. À la sortie, des dizaines de journalistes l'attendent pour obtenir sa première déclaration. Comme à son habitude, il dit ne pas comprendre ce qui arrive et se tient à la disposition de la justice, on connaît la musique. Les coureurs de l'équipe Festina sont désormais au cœur de l'affaire. Comme leur directeur sportif, ils doivent faire face aux accusations et aux soupçons. Pascal Hervé et Christophe Moreau, deux d'entre eux, se défendent devant les caméras. On n'a rien à voir avec ça, c'est une affaire de justice, point final. Vous discutez entre vous ? Oui, mais ça nous traverse toujours l'esprit, hein. C'est difficile de pas en discuter. Hein. Je crois qu'il faut faire face et rester à 100% dans le Tour de France. Et c'est comme ça qu'on ira de l'avant. Tout ce qui a été dit, tout ce qui peut être dit aujourd'hui, qui sera dit demain, ce sont de toute façon fait un amalgame avec l'équipe et les coureurs. Donc c'est à nous d'avoir notre conscience pour nous, de faire notre travail le mieux possible, de penser au Tour, de penser que ça va être difficile et qu'on est là pour gagner le Tour. Et c'est le plus important maintenant. Il faut garder le moral le mieux possible, le plus possible. Si un Tour de France peut se perdre chaque jour pendant le mois de juillet à cause d'une mauvaise chute ou d'un jour sans, il se gagne aussi sur la préparation de l'équipe tout au long de l'année. Dès la fin du Tour 97, où Richard Virenque finit second, c'est déjà le tour suivant qui est dans les esprits. Pendant plus d'un an, les coureurs ne pensent qu'à ça, gagner le Tour de France. C'est légitime d'ailleurs, mais à quel prix ? Que stipule leur contrat de travail avec le directeur sportif ? Pour eux, pour leur sponsor, seule la victoire est belle. Au soir de ce 14 juillet 1998, les coureurs n'ont qu'une crainte, être exclus du Tour. Car derrière eux, le peloton des enquêteurs accélère et se rapproche peu à peu. 15 juillet 1998, c'est la quatrième étape du Tour. 252 km entre Plouet et Cholet, une étape plate, parfaite pour une arrivée au sprint. Après plus de 5 heures d'effort, c'est le Néerlandais Jeroen Bleekswillens qui s'impose. Pascal Hervé, le premier coureur Festina, est sixième au classement général. Tout le monde oublie très vite le nom du vainqueur. À 17h, à la fin de la course, la voiture Festina de Bruno Roussel est encerclée par 8 policiers qui l'arrêtent et l'embarquent au commissariat de Cholet. Sur les ondes de France Inter, l'information fait la une. Philippe Lefebvre, vous êtes en ligne de Cholet. Première information importante, la garde à vue ce soir du directeur sportif des Festina, Bruno Roussel. Oui, il semble même, Frédéric, qu'il y a en fait deux gardes à vue ce soir. Tout d'abord, effectivement, vous le disiez, la garde à vue de Bruno Roussel, le patron de l'équipe Festina, une garde à vue qui pourrait durer 48 heures, car il s'agit dans cette affaire de la législation sur les trafics de stupéfiants, donc la garde à vue traditionnelle est doublée. Et puis une autre garde à vue qui pourrait intervenir dans les minutes qui viennent, celle d'Eric Rickert, le médecin de l'équipe Festina. Voilà ce que l'on sait pour le moment. On sait également que les coureurs sont à l'intérieur de l'hôtel et pour le moment, aucune déclaration, on s'en doute, mais on sent quand même une très nette tension à l'intérieur même de l'équipe Festina. On rappellera, Philippe, que le soigneur des Festina avait dit qu'il avait reçu des commandes de la part de ses patrons et qu'il y a ce soir perquisition un peu partout dans cet hôtel. Oui, tout à fait, Frédéric. Et les perquisitions cet après-midi, la perquisition visait directement le médecin de l'équipe. Et je peux vous dire qu'en ce moment même, au moment où je vous parle, le médecin est accompagné d'un policier. Il est en train de monter à l'intérieur du camion atelier de l'équipe Festina. Et tout à l'heure, c'était peut-être un signe d'ailleurs, les policiers, quand ils sont arrivés, se sont dirigés immédiatement vers le camion Festina, vers l'arrière, là où se trouvent les machines à laver. Alors, nous voyons pour le moment deux policiers qui sont à l'intérieur. Ils viennent de fermer la porte. Ils sont rentrés avec une valise métallique. Le médecin, donc M. Rickert, lui également, avait une valise métallique à la main. Les policiers qui accompagnent le docteur Rickert sont des spécialistes de l'Office central de répression du trafic de stupéfiants. Lors des perquisitions à l'hôtel de l'équipe Festina, ils découvrent dans la chambre du médecin 10 seringues prêtes à l'emploi qui n'attendent plus que les corps fatigués des coureurs. Et là, ils vont de surprise en surprise. À l'intérieur du camion de l'équipe, ils découvrent des frigos bourrés de médicaments interdits, des hormones, des corticoïdes prohibés et plus si affinités. Voilà comment la simple péripétie décrite par Jean-Claude Killy devient un scandale au cœur du Tour. Désormais, la compétition se déroule hors champ, hors de la course. Elle est dans les chambres et les camions des coureurs, dans les bureaux des policiers. Pourtant, l'effervescence au bord des routes est encore là. Campeurs, passants, passifs, passionnés du tour et passionnés d'un jour, ne veulent pas croire que derrière ces héros de la route se cachent tant de seringues. Alors, ils ferment les yeux. Mais ça ne durera pas. Petite pilule de cola, stimule mon cœur, stimule mon cœur. Petite pilule de bonheur, mais noires sont mes fleurs, noires sont mes fleurs. Des petites pilules, quand on se trouve un peu nul. Pour faire passer la pilule. Une pilule rose pour courir plus vite, pour assurer sa réussite, sa réussite. Une pilule mauve pour ne plus pleurer, ou plutôt pour ne pas s'en rappeler, pour ne pas s'en rappeler. Une pilule rouge pour mieux dormir, malgré les souvenirs, malgré les souvenirs. Une petite pilule noire qu'on garde au cas où, au fond d'un tiroir, qu'on garde au fond d'un tiroir. Pilule couleur arc-en-ciel pour monter là-haut dans le ciel. Pilule couleur arc-en-ciel pour ton bonheur artificiel. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour dépasser nos limites? Personne n'a surcharge si ça permet d'aller plus vite. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour être encore plus fort? Pourquoi ne pas s'injecter des produits dans le corps? Dans le corps. Le 16 juillet, le Tour de France prend la direction de Châteauroux, une étape de 230 km. Au départ de Cholet, Richard Virenque et ses coéquipiers sont présents, sans médecin et sans directeur sportif. Pour la première fois, Virenque, l'un des favoris du Tour, on l'a dit, et leader surtout de l'équipe Festina, prend la parole avant le départ. Pour information, pour tout ce qu'on peut lire ou écrire, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on essaye de tourner un feuilleton dramatique à notre égard. Pour d'autres informations, l'équipe Festina, il est hors de question qu'elle quitte le Tour de France. On est là venu pour le gagner, donc on ne va pas repartir comme ça. À l'arrivée, c'est l'Italien Mario Cipollini qui s'impose au sprint. Les coureurs de Festina, eux, sont restés dans le peloton, protégés pendant 5 heures du vent et des rafales de l'enquête. Pourtant, sur l'autre course, deux hommes viennent d'abandonner. C'est le docteur Eric Richcart qui, ce 16 juillet, se met le premier à table. Voici ses déclarations aux policiers, extraites du livre de Fabrice Lhomme, notre invité, aujourd'hui. Chez nous, dans l'équipe Festina, comme dans tous les sports, dans toutes les équipes du Tour de France ou des autres courses cyclistes, nous avons des produits interdits par la loi. Concernant l'utilisation de l'EPO qui est interdite, les coureurs font eux-mêmes l'analyse de leur sang avec une machine pour déterminer le taux d'hématocrite. L'hématocrite est la relation entre le total globule rouge en poids divisé par le volume total du sang en litres. L'EPO fait monter la numération des globules rouges dans le sang, ce qui permet de donner plus d'oxygène aux muscles et donc plus de force et une récupération plus rapide. Par exemple, avant une compétition, un coureur constate qu'il est bas d'hématocrite. Il sait qu'il ne sera pas performant pendant 3 semaines. De lui-même, il se fait 3 injections sous-cutanées par semaine, à 2 jours d'intervalle, en général pendant 2 semaines. À 21h, le médecin signe sa déposition. Le commissaire Romuald Müller, patron de l'enquête, entre alors dans la pièce d'à côté où Bruno Roussel continue de nier. À la lecture de la déposition du médecin, Roussel comprend tout de même que la situation a changé. Alors, il demande au policier s'il peut téléphoner à sa femme et à son fils. Après ce dernier appel, il est prêt à parler. Il est 21h20. Je suis entré comme directeur sportif chez Festina en 1993, en même temps que Willy Voot et les deux médecins Fernando Jiménez et Eric Richcart. Les coureurs utilisaient déjà à l'époque des produits illicites, et ce, avant mon arrivée. À la demande de certains coureurs, l'utilisation de ces produits s'est structurée. À partir de cette année, nous avons tenu une comptabilité afin de pouvoir faire une répartition plus équitable. En fait, c'est Willy qui devait tenir cette comptabilité, suite à une décision collégiale entre les coureurs et la direction. Nous ne dégageons aucun bénéfice de cette opération de revente. Quand Willy arrive sur une course, il conserve avec lui dans une glacière les produits. Quand un coureur ressent les difficultés ou des besoins, il s'adresse à l'un des deux médecins de l'équipe, s'ils sont là. Sinon, il s'adresse directement à Willy. Ce dernier téléphone à Richkert pour solliciter des conseils. En ce qui concerne les autres équipes, j'ai tendance à penser que les plus grandes sont structurées de manière similaire à la nôtre pour ce qui concerne l'emploi de produits positifs. Quant aux plus petites équipes, j'ai tendance à penser que les coureurs s'organisent individuellement. Le lendemain, le 17 juillet, les deux hommes sont transférés en voiture à Lille. Pendant ce temps, sur les routes du Tour, c'est encore Mario Cipollini qui gagne l'étape entre La Châtre et Brive-la-Gaillarde. Sur les plateaux de télé autour du Tour, ce sont d'autres coureurs qui prennent la parole, d'anciens champions, de jeunes retraités, qui décident tous, enfin ceux qui parlent, de briser la loi du silence et de lever le tabou. Au 20h sur France 2, on écoute avec attention le témoignage d'Erwan Manteour. Il vient d'interrompre sa carrière à l'âge de 24 ans. Ma première année professionnelle, c'était de la plaisanterie ce que je prenais. J'étais largué tout le temps. Le jour où j'ai fait comme les autres, j'étais au niveau. Le dopage, c'est complètement désacralisé dans le milieu sportif professionnel. On est complètement déculpabilisé, ça fait partie du métier. Mais qui vous déculpabilise? Qu'est-ce qui vous déculpabilise? C'est une éducation. On est tenu à être tout le temps au top. Vous marchez pas pendant 3 mois, on va commencer à vous poser des questions, on va vous mettre une petite lettre. Pourquoi vous marchez pas? Attention, au bout de 3 lettres, on peut se faire licencier. C'est un peu les jeux du cirque, on est des gladiateurs. C'est simple, le dopage aujourd'hui, c'est un dopage stérile, tout le monde monte d'une marche pour arriver au même résultat. On prend ces trucs-là pour qui? Pour le spectacle, pour aller plus vite. C'est tous les sports professionnels, il faut arrêter de concentrer ça sur Bruno Roussel. Ceux qui disent ça, bah, qui se regardent dans une glace, ceux qui le laissent tomber lâchement aujourd'hui. Et pour Willy Wood, pareil. On va accabler Willy Wood. Willy Wood, c'est un père tranquille, un père de famille, un soigneur qui aime le vélo, qui aime le coureur. En fin d'après-midi, dans le couloir du palais de justice de Lille, l'avocat de Bruno Roussel, maître de Montbrial, lit devant les journalistes une déclaration de son client dans laquelle il confirme ses propos. Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour, ancien cycliste, ancien journaliste de l'équipe, doit désormais prendre une décision, car cette fois, le système de dopage est avéré. Il faut agir pour sauver le Tour 1998. Après une longue réunion avec ses collaborateurs, un peu comme on va à Canossa, il s'avance devant les micros. Ce soir, à Brive, à partir de 18h, après l'arrivée, nous avons reçu, toujours par le canal de la presse, des informations en provenance de Lille. C'est ainsi que l'avocat de Bruno Roussel, M. Thibault de Montbrial, a fait une déclaration à la presse dans la journée. Ces quelques phrases nous ont paru terribles à nous, organisateurs du Tour de France, organisateur de la plus grande compétition cycliste du monde, car elle constitue ni plus ni moins un aveu. L'aveu que le dopage avait cours dans l'équipe Festina et qu'il était même organisé. C'est pourquoi, après avoir pris connaissance des derniers éléments d'information émanant du tribunal de Lille, après les avoir longuement pesés, nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. Décision difficile car nous avons beaucoup pensé aux coureurs, mais décision qui nous paraissait indispensable et que nous espérons salutaire, et pour le Tour de France et pour le cyclisme, et qui, nous l'espérons aussi, mettra un terme au climat malsain qui régnait sur l'épreuve depuis le départ de Dublin. Livide, décomposé, il reste encore à Jean-Marie Leblanc 2 longue semaine à tenir jusqu'à l'arrivée du Tour. Le 18 juillet, c'est la 7e étape, le contre-la-montre individuel entre Mérignac-l'Église et Corrèze sur les terres du président Jacques Chirac. L'information de l'exclusion de l'équipe Festina tombée dans la soirée sur toutes les lèvres. Richard Virenque et ses coéquipiers ne comprennent pas la décision des organisateurs. Alors ils décident d'aller au bras de fer et de participer à l'épreuve. Quel spectacle pour la venue du président de la République. Leblanc appelle Richard Virenque et lui propose de le rencontrer, lui et son équipe, au plus vite. Le rendez-vous est organisé dans un café près de la ligne de départ, chez Gilou. Quelle idée! C'est que, depuis plusieurs jours, le directeur comme le coureur ne peuvent plus sortir de leur hôtel sans être poursuivis par des journalistes. Et c'est dans un café de la gare qu'ils décident de se rencontrer, chez Gilou donc, qui a dû faire son meilleur chiffre d'affaires de tout l'été ce jour-là, car le café est bondé. Dans une petite salle privatisée pour l'occasion, les négociations entre Leblanc et les coureurs commencent. Virenque est abattu mais ferme. Il refuse de quitter le Tour. C'est l'année ou jamais pour lui. Il ne peut pas abandonner. Puis la sonnerie du portable de Richard Virenque retentit. Selon certains témoins, c'est ce coup de téléphone qui change la donne. Richard Virenque sort de la salle et prend le micro. Le Tour de France, c'est la plus belle épreuve au monde qui puisse exister. Donc on part pour que tous ces, j'irais, journalistes qui sont là que pour ça en ce moment, ben puissent partir, rentrer chez eux, comme nous, on va rentrer chez nous. Et donc, vive le Tour de France 98. Et je remercie le public qui a été très, très... qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous l'année prochaine. L'homme qui était au bout du fil était, selon les dires de certains, Jacques Chirac lui-même. Oui, le président connaît bien le coureur qui l'a soutenu lors de la campagne de 1995. C'est lui qui aurait réussi à convaincre le champion français de déposer les armes. Le soir même, le 18 juillet, à la fin de l'épreuve du jour, le président Chirac prononce un discours ferme contre le fléau du dopage que la ministre Marie-Georges Buffet a pris en charge depuis plusieurs semaines autour d'un projet de loi. Ce jour-là, l'Allemand Jan Ullrich gagne l'étape. En 2002, il sera contrôlé positif aux amphétamines. Puis en 2007, l'hebdomadaire allemand Focus révélera qu'il recevait des injections régulières d'EPO lors des tours 1996 et 1997. Ce 18 juillet 1998, une page de l'histoire du Tour s'écrit dans un café de la gare, lieu symbolique des supporters, des amoureux du vélo, qui chaque année se retrouvent entre amis pour suivre ensemble l'étape du jour. Désormais, l'ombre de l'EPO et du dopage accompagnera chaque vainqueur du Tour dans la presse et dans la tête des supporters. Le mal est fait. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité dans quelques minutes, Fabrice Lhomme, journaliste, auteur du livre Le procès du Tour. Le 23 juillet 1998, pendant la journée de repos des coureurs, les exclus de Festina entament l'étape judiciaire. Ils sont attendus au poste de police de Lyon. La veille sur le Tour, Marco Pantani a remporté l'étape de montagne, infligeant plus d'une minute à ses concurrents sur le dernier col, celui des plateaux de Baye. Un an plus tard, il sera exclu du Giro, le Giro, le Tour d'Italie, pour des contrôles sanguins. Devinez. Suspect. Au commissariat de Lyon, les policiers sont chargés par le juge Kell de recueillir les explications du staff et des coureurs sur les produits récupérés lors des perquisitions. Il fait une chaleur torride dans les locaux. Des centaines de journalistes ont fait le déplacement. Richard Virenque, le leader, passe en tête devant ses 8 collègues. Les hommes de Festina se sont passés le mot. Ils garderont le silence, en principe. Laurent Brochard, champion du monde 1997, 9e du Tour de France la même année, l'une des stars de l'équipe, est le premier à craquer. À 21h, il déballe tout. Il est exact que dans l'équipe Festina, la majeure partie des coureurs utilisent de l'EPO. Personnellement, j'en utilise depuis que je suis à Festina. J'en prends épisodiquement, sur les conseils du docteur Eric Richkert. Il m'avait assuré que la prise de ce produit ne pouvait pas nuire à ma santé. Je ne peux pas évaluer les quantités qui m'ont été injectées par piqûre sous-cutanée. Il m'est arrivé également de me piquer moi-même. Quelques instants plus tard, c'est Christophe Moreau, médaillé d'argent à la Coupe du Monde et contre la montre de 1994, vainqueur du Tour du Chili en 1996, qui avoue. Si je voulais avoir des résultats et rester dans l'équipe 1 et participer aux grandes courses, il fallait que j'adhère à ce système. Je suis pas le seul à suivre ce protocole médical. À ma connaissance, tous les équipiers du Tour cette année l'ont suivi. Je veux parler des 9 coureurs exclus cette année. Basson et Lefebvre, qui font partie de l'équipe, n'ont pas suivi ce protocole. Seul Richard Virenque et Pascal Hervé nient. Ils entament à deux une échappée en solitaire, seuls face aux aveux de leur directeur sportif, de leurs collègues. Virenc, lui, l'ancienne star, la vedette du Tour, l'espoir français du vélo, devient la coqueluche des humoristes et des guignols de l'info à l'insu de son plein gré, évidemment. Un an plus tard, n'ayant pas avoué, il n'est pas suspendu et remonte sur un vélo. Il court désormais sous les couleurs de l'équipe italienne Polite. Deux ans plus tard, le 23 octobre 2000, le procès de l'affaire Festina s'ouvre à Lille. Une première dans l'histoire du cyclisme. À la barre, 10 prévenus, dont Richard Virenc, le seul coureur. Il y a là aussi, évidemment, Bruno Roussel et Willy Voot. Le docteur Éric Jacquert, gravement malade, ne peut pas assister, lui, au procès. Pendant les deux ans d'enquête, les policiers ont élargi leurs investigations. Joël Chabiron, agent de presse et de communication de Festina, a été mis en cause dans l'importation de substances illicites. Puis Jean Dalobit, autre soigneur de l'équipe, poursuivi notamment pour avoir administré des produits. Une pharmacienne de Vennes, près de Gap, et son compagnon comptable ont également été impliqués pour avoir fourni illégalement des médicaments à Willy Voot. Richard Virenc nie toujours son implication. Au deuxième jour du procès, après l'intervention d'experts médicaux indiquant qu'il ne pouvait connaître les conséquences de l'absorption quotidienne de ces produits sur la vie des coureurs, Virenc avoue tout, enfin, à son tour, il est coincé. Le 27 octobre, il déclare devant les journalistes être soulagé et vouloir reprendre sa vie, ouvrant le débat sur le problème du dopage dans le sport. Pour la, je dirais, deuxième partie de ma nouvelle, de ma vie, quoi, qui va commencer hors vélo, ben, j'espère que je pourrai profiter pleinement avec ma famille et mes enfants des joies que je me consacrais avant à fond dans le sport cycliste. Si au bout de deux années j'avais cette position, c'est que je voulais pas payer pour tout le monde, parce qu'au début j'étais vraiment ciblé, et ensuite, ben, au bout de deux ans, ça m'a fait du bien de parler parce qu'il fallait parler. Voilà. Donc je pense que ce procès, ben, c'est régler le problème de société du dopage dans le sport, et c'est la chose la plus importante. Donc c'est, si ça se règle pas ces semaines-là, ça se réglera, je pense, jamais. Le 22 décembre 2000, Virenc est relaxé. Quelques jours plus tard, il est suspendu pour une durée de 9 mois. En cet été 1998, une certaine idée du Tour de France vient de mourir. L'affaire Festina ouvre une décennie de scandales dans le cyclisme et dans le Tour de France. L'année suivante, c'est Lance Armstrong, le miraculé, celui qui a vaincu un cancer, qui gagne son premier Tour de France, ouvrant une longue série, un règne de 7 ans, pendant lesquels personne n'a pu suivre le Texan sur le bitume. En janvier 2013, sur un plateau de télévision, il avoue s'être lui aussi dopé et clôt ainsi des années de rumeurs. Mais combien sont-ils avant 1998 et aujourd'hui encore à gagner des titres grâce à leurs médecins? Depuis quand les blouses blanches et les seringues sont-elles devenues les compagnons indispensables du sportif? En 1998, le tabou du dopage dans le cyclisme a explosé, et aujourd'hui encore, après chaque victoire, on s'interroge. Le dopage a inoculé le doute et la suspicion, probablement pour longtemps. Aujourd'hui j'ai gagné le Tour de France, mais je suis tombé 3 ou 4 fois. Je reconnais, j'ai eu la chance, c'était ma faute à chaque fois. Mais ce n'est pas grave, j'avais un clou à enfoncer, j'avais une dose à prendre, j'avais un creux à remonter. Et puis seulement redescendre devant tout le monde, devant tout le monde, devant tout le monde, oui, devant tout le monde, devant tout le monde, devant tout le monde. Aujourd'hui, j'ai écrasé l'Angleterre. Je leur ai mis 3 ou 4 buts. Phase arrêtée, y'a rien à faire. Mes camions par terre et puis ses buts. Mais ce n'est pas tellement grave. J'avais une ligne à traverser. J'avais une courbe à prendre. Un pénalty à convertir. Et puis seulement sourire. devant tout le monde. Notre invité aujourd'hui, c'est donc Fabrice Lhomme, journaliste au Monde aujourd'hui et auteur du livre Le procès du tour. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir écouté attentivement ce récit, qu'a de vous rappeler quelques souvenirs, j'imagine. Si je vous ai invité, c'est pour que nous discutions, bien sûr. Ce sera le cas dans 3 minutes. C'est-à-dire le temps d'écouter ensemble le reportage de Gaylor van Wimmercht, qui est allé voir le docteur Jean-Pierre de Mondenard, médecin du sport, spécialiste de la lutte contre le dopage. Ce monsieur était le médecin du Tour de France de 1973 à 1975, et son témoignage est intéressant car il nous montre comment le passé peut éclairer le présent. Je me trouve à Chennevières-sur-Marne, dans la banlieue est parisienne, et je ne suis pas venu en vélo, je suis venu en transport en commun pour rencontrer le docteur Jean-Pierre de Mondenard, médecin du sport et spécialiste du dopage sportif. L'affaire Festina éclate donc en juillet 1998. Des affaires de dopage ont éclaté dans le passé. En 67, quand Simpson meurt sur les pentes du Ventoux, ça fait le buzz dans les médias. En 78, quand Paul Antier, le coureur belge, se fait épingler en train de tricher, on lui retire son maillot jaune et c'est Hinault qui va gagner le tour. Et donc là aussi, le dopage est au centre des débats. En 91, quand l'ensemble de l'équipe EDM abandonne le Tour de France en 48 heures sous le fallacieux prétexte d'une intoxication alimentaire, alors qu'on va apprendre que c'est le dopage qui est au centre de l'affaire. Donc les affaires sont omniprésentes dans le vélo. Donc tout ça, c'est un beau mensonge de raconter en 98 qu'on débarque au niveau des organisateurs, au niveau des dirigeants, le président de la Fédération française de cyclisme est dans le même mode de communication que le patron du Tour, en disant mais c'est pas, on ignorait que ça c'était à ce point-là. En plus, c'est des gens qui sont dans le milieu depuis des années. Donc, langue de bois intégrale. C'était la 13e étape du Tour de France cycliste. Crimenès confirmait une fois de plus ses étonnantes qualités de grimpeur. À l'arrière, un drame se jouait. Dans une atmosphère étouffante, à 2 kilomètres du sommet, un homme zigzague sur la route. Ce coureur, c'est l'anglais Tom Simpson. Respiration artificielle, masque à oxygène, les techniques de réanimation sont impuissantes. À 17h40, les médecins constataient le décès de Tom Simpson et refusaient le permis d'inhumer. La motivation de tous ces gens-là, c'est de montrer la santé de leur sport. Il faut assurer le spectacle aussi. Complètement, et il ne faut pas qu'il y ait d'éléments négatifs qui interviennent à la promotion du spectacle. Un journaliste qui suit des courses cyclistes pour parler d'un peloton de drogués, non, c'est pas possible. Donc il va toujours camoufler la réalité ou la minimiser. Est-ce que vous mettez en cause notamment le quotidien sportif de référence en France, L'Équipe? Effectivement, l'équipe n'a pas traité de la même façon tous les problèmes de dopage. Le problème, leur seule interface, ce sont les cyclistes. quand on parle de cyclisme, qui ne raconte pas la vérité. Et le journaliste en face ne va pas le reprendre et dire « Attendez, là, vous nous racontez des histoires ». Non, jamais. On laisse tel quel ce que dit le sportif. Donc, le travail de fond de la désinformation est vraiment enclenché par la presse sportive. Fabrice Lhomme, alors je vais vous faire réagir. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, vous étiez journaliste à l'Équipe Magazine à l'époque. Hein. Je vais vous faire réagir à ce que vient de dire ce monsieur, comme quoi la presse ne sera pas complice. Mais enfin, dans la façon de faire son travail, elle n'aurait pas fait ce qu'elle aurait dû faire, finalement. Que répondez-vous ? Alors, il y a du vrai, mais il faut un petit peu nuancer dans ce que dit Monsieur Bourdonnard. Moi, j'ai travaillé à l'Équipe, alors à l'Équipe Magazine plus tard, après cette histoire, mais quand j'y ai travaillé, je faisais l'investigation, j'ai pu enquêter autant que je voulais, notamment j'ai révélé des choses sur Lance Armstrong qui étaient très embarrassantes pour Armstrong, qui ont fait réagir, notamment, je sais, les annonceurs de l'Équipe, l'Équipe Magazine, qui ont fait part de leur mauvaise humeur, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à écrire, et on m'a pas empêché d'écrire. Par ailleurs, il y a à l'Équipe un journaliste qui s'appelle Damien Recio, qui travaille depuis des années sur le dopage, qui a révélé nombre de scoops, et à ce que je sache, on l'a pas interdit de publier. Maintenant, c'est vrai que globalement, les journalistes sportifs purs, ceux qui suivent vraiment au quotidien les cyclistes notamment, s'autocensurent. Ils l'ont toujours fait, dans des proportions sans doute hallucinantes, mais j'allais dire, ils n'avaient pas le choix, pour des raisons, on va dire, purement professionnelles, c'est-à-dire que pour eux, les cyclistes, c'est leurs interlocuteurs, ils peuvent pas se brouiller. Ils sont exclus. Oui, totalement, ils peuvent plus travailler, concrètement. Ouais. Par ailleurs, il y a des enjeux économiques. Bon, là, c'est vrai, on parlait de l'Équipe, faut le rappeler, le Tour de France, ça appartient au groupe Amaury, un groupe très puissant qui détient l'Équipe, le Parisien qui organise le Paris-Dakar et le Tour de France. Et le Tour de France est un tas d'or pour ce groupe. Et donc, on peut le comprendre aussi, ce groupe, c'est un peu embarrassant de sortir des révélations. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a un peu de schizophrénie, du coup, à l'Équipe. Il y a des journalistes qui investiguent et d'autres qui couvrent la course de manière plus traditionnelle. Et pendant longtemps, c'est vrai que c'était très mal vu, on va dire, d'annoncer des mauvaises nouvelles parce que ça cassait un peu le boulot des confrères. Moi, je l'ai vécu puisqu'à l'époque des faits, j'étais à l'époque à François. Moi, je travaillais, on va dire, notamment depuis Paris ou Lille, où j'avais des informations. Je révélais des informations au quotidien sur le scandale Festina. Et au même moment, il y avait des envoyés spéciaux du journal François, qui était encore un grand journal à l'époque, et qui, eux, traitaient la course. Et je peux vous dire que ça se passait assez mal entre nous, parce que mes collègues qui étaient sur le terrain me disaient « Mais on se fait insulter, le public nous crache dessus, ils ont reçu des coups de pied dans la voiture, parce que beaucoup de spectateurs n'étaient pas contents du traitement de François. » Oui, bien sûr, les autres journalistes et les coureurs qui les boycottaient. Donc, on s'est parfois engueulé, parce que moi je disais, mais il faut informer, il faut faire notre métier. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et je parle même pas de la télévision aussi, qui est aussi très embêtée, évidemment, puisque le Tour de France, ça rapporte beaucoup, c'est un enjeu très important pour France Télévisions, et on comprend que France Télévisions soit bien embêtée, surtout lorsque France Télévisions prend comme consultant des gens qui eux-mêmes ont baigné dans ces affaires. Bon, alors c'est comme ça qu'on peut expliquer que pendant 7 ans, c'était l'affaire du dopage d'Armstrong a été un secret de polichinelle. Est-ce qu'il a été, Armstrong, protégé pendant ces 7 ans par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, qui devrait être pourtant le gendarme des bonnes mœurs aussi? Oui, on peut le dire, ça a d'ailleurs été documenté. Il y a eu notamment des alertes sur Armstrong qui ont été étouffées, purement et simplement. L'UCI, pendant de nombreuses années, a eu un comportement tout à fait hypocrite sur le dopage, en ayant une position officielle qui était de dire, évidemment, nous sommes contre, c'est scandaleux, nous faisons le maximum de contrôle. Et en réalité, je ne dis pas qu'ils favorisaient le dopage, c'est pas ça. C'est qu'ils savaient très bien, les dirigeants de l'UCI, que le dopage était partout, que si on s'attaquait mais vraiment sérieusement au problème, ça faisait exploser tout le milieu cycliste, et qu'ils allaient disparaître dans le gouffre qu'ils auraient eux-mêmes créé. D'où cette attitude tout à fait hypocrite, avec un discours officiel et des pratiques qui étaient en fait des pratiques qui consistaient à couvrir le système. Et quand un gouvernement veut lutter contre un système comme ça, on a l'impression, pardon, sans jeu de mots, qu'il pédale dans le vide, parce que s'il s'attaque à un système qui est vraiment compliqué. Par exemple, les agences antidopage nationales et internationales, elles sont vraiment indépendantes? Oui, il y a quand même une forme d'indépendance. Ah, maintenant, mais c'est pas tellement le problème de leur indépendance, pas seulement. Il faut bien comprendre que c'est la course perpétuelle du gendarme qui court après le voleur, mais le voleur a toujours un coup d'avance. Là, en l'occurrence, ce sont les scientifiques qui essayent, on va dire, de détecter les nouvelles méthodes de dopage, parce qu'il y a des nouvelles méthodes qui apparaissent sans arrêt, et des dopeurs qui ont de l'argent, des moyens, et qui trouvent des nouveaux trucs, des nouveaux produits, et le temps avant qu'on les détecte, ils ont déjà trouvé d'autres. Donc même les agences antidopage avec toute, on va dire, leur bonne volonté, il leur faut de toute façon beaucoup de temps pour trouver la solution. Ce qui explique pourquoi il y a toujours un décalage. C'est-à-dire qu'on attrape Armstrong, mais il avoue, mais des années après qu'il ait gagné. Bjarne Riis, qui est pour moi le symbole du type qui a vraiment, j'allais dire, humilié le Tour de France, qui a gagné le Tour de France en 1996, c'était un Danois qui n'avait aucune référence auparavant, et qui a gagné le Tour de France, j'allais dire, dans un fauteuil, qui n'a plus rien fait après. On a su ensuite qu'il était dopé jusqu'aux yeux. C'est une caricature d'un champion qui n'en est pas un, pour moi. C'est une créature du dopage, à la différence d'un Armstrong qui est un vrai champion, qui en plus est dopé, mais ce sont des gens qui tuent leur sport en quelque sorte, puisqu'ensuite on ne peut plus croire en rien. Bien sûr, parce que le dopage, la double peine du dopage, c'est la tricherie, donc sur le côté moral, et puis c'est aussi la santé de ceux qui se dopent, évidemment, parce que ça peut finir très très mal. Alors, on l'a vu avec Tom Simpson, notamment, pas que lui, dans d'autres sports d'ailleurs. Tiens, abordons la question des autres sports. On va d'abord écouter l'analyse du docteur, voilà, Jean-Pierre Mondenard, recueilli par notre reporter Gaylor Van Vimache. Quelques jours après le départ du Tour de France à l'été 98, il y a la finale de la Coupe du Monde de football remportée par la France. En était-il de même pour les footballeurs qui sont nos champions du monde ? C'est compliqué de vous dire que l'équipe de France se dopait, sinon on se retrouve en justice dans la foulée. Le problème, c'est qu'il y a une suspicion légitime. C'est le procès de la Juventus. Club italien emblématique parmi les meilleurs et qui, entre 1995 et 2000, à l'époque il y a Deschamps, Zidane, etc. Donc l'enquête va mettre à jour que la pharmacie de la Juventus contenait 282 médicaments différents et que la majorité de ces médicaments étaient destinés à soigner la performance et pas à soigner une pathologie. Il évalue donc la quantité de médicaments à ce que l'on pourrait trouver dans un hôpital d'une ville de moyenne importance, entre 25 et 40 000 habitants. Hallucinant. Il paraît que Zidane vous a donné aussi un tuyau dans un endroit en Suisse où on se une remise en forme absolument formidable. Oui, vous y êtes allé ? Ça se passe comment ? J'y étais, oui, c'est formidable. Oui, on vous enlève du sang, l'oxygène, on vous le remet. Zidane, il va deux fois par an et c'est vrai, je comprends. Tous les sports sont concernés par les pratiques dopantes parce que c'est la compétition qui génère le dopage. L'argent, il intervient dans un deuxième temps, éventuellement, mais au départ. Attendez, les amateurs, ils se dopent, ils gagnent pas grand-chose. Vous trouvez des cas positifs à la pétanque, dans le curling, dans les fléchettes, dans le billard, etc. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un sport qui soit épargné par le dopage et que les chiffres du dopage donnés par les contrôles sont complètement ridicules. C'est autour de 2, 3, 4%. 3% de cas positifs sur l'ensemble des tests de dopage. Des tests effectués, oui. Voilà. Un contrôle négatif, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé dans vos urines, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez rien pris. Alors comment les sportifs arrivent à déjouer la vigilance de la lutte antidopage ? Le plus simple, c'est d'utiliser des substances indécelables. Si on prend la liste des cas positifs dans une année, vous allez vous rendre compte qu'il y a une quarantaine de substances qui apparaissent dans les contrôles. Or, dans la liste des substances interdites, il y en a 300. Les autres substances, pourquoi on ne les trouve pas ? La lutte antidopage a progressé, on ne peut pas nier. Mais le professionnalisme des dopeurs a également progressé. D'un côté, vous avez des professionnels du dopage, et de l'autre côté, vous avez des amateurs dans la lutte antidopage. Ça aussi, c'est une condition accablante de croire, d'imaginer qu'on va résoudre le problème du dopage, alors que ce sont les fédérations internationales qui sont les organisatrices du spectacle, qui doivent lutter contre le dopage et leur demander de se tirer une balle dans le pied. Dans les causes du dopage, je mets la lutte antidopage. Parce que pendant des décennies, et encore aujourd'hui, elle labellise propre les tricheurs. Voilà. Il n'en reste pas moins que les affaires de dopage, on les voit surtout dans le cyclisme. Alors, on a bien compris que c'est pas le seul sport. Apparemment, c'est celui où le dopage a été le plus utilisé. Est-ce que c'est lié à la nature même de ce sport et aux efforts qu'on demande, qui sont quasi surhumains quand même, hein, absolument. Les efforts qu'on demande aux coureurs. Moi, je pense qu'effectivement, ce sport fait partie des plus atteints, avec quand même l'athlétisme, oui. pour une raison simple. Enfin, c'est une double raison. La première, c'est que c'est un effort, comme vous dites, quasiment surhumain. Mais c'est pas la seule raison. C'est surtout que c'est un sport, on prenait l'exemple de Riis, c'est un bon exemple, Bjarne Riis, où grâce aux produits dopants, vous pouvez faire d'un type qui n'a, ou d'une femme, qui n'a pas beaucoup de qualité au départ, un champion ou une championne, ce qui n'est pas vrai dans les autres sports. Je prends un exemple, on parlait de Zidane, je ne dis pas qu'il est dopé, peu importe. Zidane était un génie du football. on peut pas, avec des produits dopants, devenir Zidane. Par contre, on peut gagner le Tour de France une fois. Oui, en étant un mauvais ou un cycliste de second rang, tout simplement parce que le cyclisme, bien sûr, il y a quelques données tactiques, évidemment, mais c'est d'abord une épreuve de force purement et simplement. Oui. C'est celui qui va arriver à grimper le plus vite du bas au sommet du col. Donc voilà l'intérêt de se doper, si je puis dire, pour un cycliste. Et voilà pourquoi c'est dans ce sport qu'on trouve le plus de dopage, parce que c'est purement et simplement une épreuve de force à un moment, et qu'évidemment, s'il y a des produits qui vous donnent des ailes, le résultat est immédiat. Alors, avant la dernière Coupe du Monde au Brésil, donc cette année, en juillet, la FIFA a introduit pour la première fois le passeport biologique. Alors ça, c'est une bonne solution ? Mais tout est intéressant, et bien sûr, ça c'est un début de solution. Il faut effectivement traquer autant qu'on le peut les tricheurs. Le souci, je vous le disais encore une fois, c'est qu'on trouve aujourd'hui sur le marché des produits qui sont quasiment indécelables. C'est expliqué le docteur Domon Denard. Il y a aussi des méthodes de dopage dont on ne sait même plus si c'est du dopage ou pas. Celui qui va passer, je sais pas, 3 mois en altitude, ou ensuite qui va se mettre dans un caisson à oxygène, ou qui va se prendre du sang, qui va mettre au frigo pour son propre sang, pour ensuite se le transfuser, ça c'est considéré comme du dopage, mais comment le détecter ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a effectivement des outils aujourd'hui qui permettent, on va dire, de traquer de manière plus efficace les dopeurs. Le souci étant que les truqueurs ont trouvé d'autres méthodes, des nouvelles méthodes de dopage qui sont quasiment indécelables. Donc finalement, vous allez dire comment faire ? Eh ben, il y a des critères qui restent aujourd'hui, qui sont des critères objectifs. Dans ce cas, moi, je renvoie assez systématiquement aux chroniques que fait Antoine Veillet, qui est un spécialiste. C'est un ancien entraîneur de cyclisme. Il était entraîneur, figurez-vous, de l'équipe Festina. Donc, il sait de quoi il parle. Il connaît le dopage par cœur. Aujourd'hui, on va dire que c'est une sorte de repenti. Et surtout, grâce à des méthodes scientifiques, c'est très simple. Il calcule combien de watts développent les champions cyclistes lorsqu'ils font des courses. Et il fixe, on va dire, une limite qui est entre 400 et 450 watts, qui fait qu'au-delà de cette limite, un champion qui développe une puissance au-delà de 450 watts, il le qualifie de mutant. C'est-à-dire qu'il dit que ce qu'il fait, c'est même pas suspect, c'est surhumain. Alors, il est assez malin pour pas se faire attaquer en diffamation, il dit pas, attention, ce champion est dopé. Ouais. Ce cycliste qui a grimpé l'Alpe d'Huez à └================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================className![││││││││││││││││││││││височ==![││││││││││││││││││││││││││============================******================================================================================================================================================================================ grille qui est incontestable et incontestée d'Antoine Weyer, et vous savez si vous pouvez croire ou non à une performance. Et c'est vrai que si vous faites ça, cette expérience sur les différents Tours de France, vous apercevez que régulièrement, ceux qui gagnent sont au-dessus de cette limite fixée comme surhumaine par ce spécialiste. Alors c'est le dopage, c'est comme c'est la même démarche, c'est une corruption finalement avec les corrupteurs actifs, hein, c'est les dopeurs et les corrompus. Oui, c'est les dopés. C'est une corruption, on va dire au sens propre de l'essence même de ce que doit être le sport. C'est une tricherie généralisée. Moi, ce qui m'avait frappé lorsque j'avais fait mon enquête sur le monde du cyclisme à travers ces affaires, c'est à quel point il y avait comme dans la mafia, il y avait une omerta, une loi du silence, et surtout à quel point on avait affaire à des menteurs. Ce qui était fascinant, et je crois qu'on l'a bien entendu à travers les reportages, c'est que vous aviez face à vous des gens qui mentaient sans arrêt, même lorsqu'on présentait les évidences. Et ça, c'est assez emblématique de ces pratiques, de ces gens qui sont dans un univers qui ne doit pas être révélé au grand public. Faut pas qu'on sache les dessous de leur performance, parce qu'elles sont effectivement, elles sont truquées, et ça, c'est vrai que c'est choquant. Alors rapidement, parce qu'il nous reste que 45, même 30 secondes, le cyclisme, prochain Tour de France, on va encore penser au dopage. Combien de temps il va falloir pour que le cyclisme se nettoie et soit nettoyé dans les esprits d'ailleurs? Moi je suis assez pessimiste de ce point de vue-là. Je pense qu'on parlera encore longtemps de dopage sur le Tour de France et sur les autres grands tours parce que, encore une fois, tant qu'il y aura des tricheurs qui penseront avoir un coup d'avance sur la médecine et sur les médecins qui les traquent, il y aura toujours du dopage. Merci Fabrice Lhomme, merci d'avoir apporté vos éclairages. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde aujourd'hui, vous avez été journaliste à l'Équipe et vous avez écrit le livre Le procès du Tour en 2000. Merci, au revoir, à bientôt. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Festina. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.